Eh bien voilà, oui, je suis Josette Durand, épouse Tardieu. Je suis née dans le quartier d'Arlise, commune de Chirolles, après mes études à l'école libre de Chirolles, catholique. Je suis rentrée en usine à l'âge de 14 ans sonné. Et j'en suis repartie à 21 ans. L'année de mon mariage. Voilà, puis j'ai vécu donc dans la Drôme, dans le Vaucluse. Et puis la retraite bien sonnée, je suis venue réhabiter Chirolles, la maison maternelle. Moi, j'ai retrouvé deux photos qui ont été prises ici. Alors celle-là, elle a été prise là, sur la terrasse. C'était une messe, mais je ne sais pas en quelle occasion. En quelle année c'est ? 56. Et le mur qu'on voit sur cette photo, c'est quel? Ben, il doit y être là. Hein. Je pense pas qu'il soit écroulé. Hein. Il n'y a pas un mur là? Si, après le marronnier. Alors là, en fait, il y a un réservoir à eau. Peut-être que le mur, il est derrière. Ça doit être le marronnier. Regardez les feuilles. Eh ben, il a grossi depuis. Hein. C'est bien que vous ayez amené les photos, merci. Mais c'est tout ce que j'ai. Mais c'est déjà énorme. Ah ben voilà, c'est celui-là. Donc, vous voyez, le mur, maintenant, il est recouvert de lierre, mais autrement, il était propre. Par contre, ces escaliers, est-ce qu'ils étaient... Ils sont en pierre, ces escaliers? Donc, ils devaient y être, là, alors, non? Est-ce que là, ça, c'est le muret, là? Vous voyez, là? Ça, c'est la route de l'escalier. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ces deux marches-là, ouais. Sur lesquelles on est. Ah oui. Ah oui, là, on reconnaît vraiment bien. Et donc, là, il y avait une vierge. Non, mais ça devait être un fanion qu'ils avaient pendu, disons. Ah oui, d'accord. Et là... C'est Monsieur Jean. Monsieur Jean, donc, qui était patron de l'usine, là, et qui a été maire pendant longtemps à Chirolles, qui a eu un accident, qui est tombé dans le canal, là-bas, qui est mort noyé. Mais nous, on l'appelait Monsieur Jean parce que, bon, il y avait Monsieur Pierre, Monsieur François, Monsieur, ils étaient nombreux, donc on les appelait par leur prénom, disons. Et c'était que des hommes et vous étiez que des femmes? Dans l'usine, oui. Si, il y avait les mécanos. Mais autrement, oui, c'était pratiquement. Que féminin. Vous avez travaillé dans l'usine de quand à quand? J'y suis rentrée au mois de 1er septembre, sans doute. Attendez, j'ai eu 14 ans quand? Je suis née en 55, en septembre 55, et ressortie en juillet 62. Et donc vous... Que c'était que des gens qu'on connaissait. Et y a eu... Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. C'était intéressant, comme en fait, intéressant. Rien de bien instructif, parce que c'était routinier, mais bon... C'était propre, il y avait du bruit, beaucoup de bruit, et beaucoup de machines, alors le bruit du moteur, et chaud. Et puis c'était une pièce de théâtre, donc c'était à la porte de l'entrée du théâtre. Moi j'avais à dire à Anne, sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Voilà. Donc c'était une salle de théâtre où vous faisiez vous-même les spectacles, oui. Ou alors il y avait des comédiens d'ailleurs qui venaient jouer. Non, c'était l'équipe de Chirolles qui se manifestait. Il y avait un fils Plantevin, il était maître chef d'orchestre, donc il nous apprenait à chanter, il nous faisait chanter, il y avait des chœurs de chant, et lui il était devant, et on avait même concouru dans la... je ne sais plus où on était allé, en haut de l'Ardèche, dans le haut tournon ou quelque chose comme ça. Étant donné qu'on avait notre maître de chœur en face de nous, on n'avait pas gagné. Sinon, on aurait eu certainement le premier prix parce qu'on était vraiment bien entraînés, disons. Donc c'était une chorale d'ouvrières? Voilà, oui. Oui. Et donc vous faisiez les répétitions, vous travailliez et voilà, après le soir? Le soir, voilà. Oui. D'accord, oui, parce oui. que vous restiez dormir ici? Les premières années, oui. On peut s'asseoir ainsi. Mais après... Quand on a eu les moyens de s'acheter un moyen de locomotion, enfin avec ma sœur, on avait acheté un scooter, on rentrait tous les jours chez nous. Quoi. Non, je ne peux pas dire que ça m'ait marqué vraiment. Bon, c'était naturel, on sortait de l'école avec le certificat d'études, et puis l'usine, et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai été super enchantée quand... Vous voulez garder les photos ou... Mais je sais pas, est-ce qu'on peut les garder juste pour les copier, les scanner? Oui. Et puis je vous les rends. Voilà. Oui, bah oui, bien sûr. Oh, ben, oui. Je ne sais pas si vous arriverez à tirer quelque chose, parce que c'est un peu petit.